que je t'aime. Nous deux, on vivait heureux dans nos rêves. C'était le temps des je t'aime. Et puis j'ai voulu voler de mes ailes. Ses peines, ses joies, ses folies.